الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ولو m'entendez mieux là j'imagine. Bon, si personne ne me répond, je pense que c'est bon. Ahmed, tu m'entends? Tu m'entends pas? Ah, c'est bon. Voilà, Kalofik. Taïeb. La page, pas la page. Donc, on est rentré la dernière fois dans. Dans Bab el Afkar. Bon, allez comme ça. Dans les Afkar à faire en différentes occasions. On avait commencé par prendre le zikr à faire avant de dormir au réveil. On avait dit Allahumma bismika amutu wa ahya en mettant la main sous la main droite sous la joue. Et en dormant sur le côté. Oui, au réveil, Alhamdulillah, allazi ahyana ba'dma amatana wa ilayhi an-nushur. Après, on avait pris comme zikr avant de rentrer aux toilettes, al-khala, Allahumma inni a'udhubika min al-khubuth wal-khaba'is. Et on avait pris. On avait pris un troisième. Et ouais, khuruj min al-bayt. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on dit en sortant de la maison? Arsentum. Azaw. Naam. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Et celui qui a dit cela, qu'est-ce qu'il obtient? Non, Biznina Ta'ala, qui est guidé, Houdita, Okofita, Okita. Taïb, on va prendre troisième hadith de ce bab, qui est le 43e hadith de Kitab. Dua al-Khuruj min al-Manzil. Donc maintenant c'est. Non. Dukhul, non, je vais me tromper. Afwan, avant ça. Avant ça, c'est 44e hadith et 4e de ce bab. Ta'wiz et l'atfal. Donc maintenant, c'est invoquer la protection pour les enfants. Car les enfants de eux-mêmes ne pourront pas le faire. Enfin, ils peuvent le faire, mais ils n'y penseront pas. Et ils n'auront pas le cœur comme l'aura l'adulte. Et il y a enfant, il y a enfant. Là, c'est vraiment les petits. Ah, mais un enfant qui m'humilise, l'apprendre et le faire. Mais un qui est tout petit, tu vas lui dire répète, tu vas le répéter, mais au moment de le faire, il ne saura pas qu'à ce moment-là, il faut qu'il le fasse. Fayaqul ta'wiz al-atfal. Yaqul an ibn Abbas radiyallahu anhu qal kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yu'awwidhu al-hasan wal-husayn radiyallahu anhuma wa yaqulu u'idhukuma bi kalimatillahi tamma من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة رواه البخاري وابو داود واللفظ البخاري اعوذ. Donc selon Ibn Abbas, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait les dua, c'est-à-dire pour que Allah protège Al-Hassan ou Al-Hussein. Et il disait, je recherche protection pour vous, je vous mets sous la protection des paroles d'Allah, paroles complètes, de tout shaitan. Et hamma, c'est tout ce qui est animal nuisible. D'accord ? Et kulli aynin lamma, et de tout mauvais œil. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait cela avec qui? Avec ses petits-enfants, ses petits-fils, car Al-Hassan ou Al-Hussein étaient les enfants de Fatima, de Ali. Ali était leur père et leur mère c'était Fatima. Et là ils étaient petits, d'accord? Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait cela, ils étaient vraiment tout petits. Donc là, ça nous enseigne la chose à faire avec les enfants en bas âge. Parmi les principales causes que l'on fait pour leur guider déjà, c'est les askar. Puis s'en suivra la tarbiya, l'éducation et l'apprentissage. Mais petit déjà, l'une des grandes causes pour préserver l'enfant, c'est les doa qu'on fait pour lui. D'accord ? Et surtout que les enfants sont fortement exposés à ces mots-là cités. Et Waïn, quand c'est des enfants qui sont beaux, tout le monde les regarde. D'accord ? Tout le monde vient, il les prend, il leur tire les joues, ils leur font des bisous. Et, oh, il est trop beau ton fils, oh, il est trop beau ton petit-fils, oh, il est très belle ta sœur. Mais il n'y a pas beaucoup qui disent Allahumma barik, ou Masha'Allah. Donc ça va vite. Et également, les shayatin prennent pour cible les gens faibles. Wa'akada. Donc, lorsqu'il dit U'idhukuma, et yakulu U'idhukuma, wa tafsir wa bayen li u'awiza. C'est le fait de les mettre sous la protection de quelque chose. Et là, ce quelque chose, c'est les paroles d'Allah qui sont parfaites. Et ça peut être la parole d'Allah directement, donc le Coran, tout le Coran, kalamullah. D'accord ? Et les meilleurs versets par lesquels on cherche protection auprès d'Allah Azawajal, c'est une des meilleures sourates, on va dire plutôt. C'est quoi ? La Fatiha, mais avant cela, on a deux précises qui sont nommées comme étant les protectrices. Al-Nas ou Al-Falaq. Aïwa. Al-Nas ou Al-Falaq sont vraiment Al-Mu'awwazatayn. Et vraiment, les deux sourates, elles sont faciles à apprendre, faciles à retenir. Sourate Al-Baqarah également. Tu vois, mais qui c'est qui peut apprendre sur le Baqarah? C'est pas tout le monde. Alors que celles-ci, elles sont à la portée de tout le monde. Donc c'est une facilité. Et d'ailleurs, elles font également partie des askar du sommeil. D'accord? Parce que la dernière fois, on a pris un zikr, il y en a plein des askar avant de dormir. Il y en a plein. Et ce qui montre également que Kalimatullah, c'est sa parole. Et qu'elle est incréée, car tu ne peux demander une protection dans ce genre de situation que par un attribut d'Allah Azawajal, par Allah ou un de ses attributs. Le tawassul, bi asma'i wa sifatihi. L'attribut en lui-même n'agit pas. Mais tu intercèdes auprès d'Allah par un de ses attributs ou par un de ses noms. Azaw. Et si jamais la parole d'Allah était créée, on n'aurait pas le droit de faire le ta'awuz bihi. On ne pourrait pas chercher protection. D'accord. Donc il dit Tam complète, c'est-à-dire les paroles complètes d'Allah Azawajal, et bénéfiques, et qui guérissent, et qui sont Mubaraka. Min kulli shaytan. Le shayatin, là, c'est parmi les djinns et les ins, parmi les hommes et les djinns. Il y a des shayatin chez les humains, il y a des shayatin chez les djinns. Ça veut dire qu'un shaitan, il peut être devant toi. Tu ne le vois pas, c'est un djinn. Et il peut être devant toi, c'est un djinn sous une apparence humaine. Et tu peux l'avoir devant toi, c'est un humain. C'est un shaitan. Wa qala wa ham al-ham ihda al-hawam wa al-zawat al-sumum kal-hayah wa al-aqrab wa nahwihima. Wa qila al-murad huna kula nasmatin tahum bisu. Donc là, ce qu'il dit, Hamma, je cherche refuge par les paroles d'Allah parfaite contre les shayatin, ins humains, et Hamma, ce sont les choses, créatures, comme les bêtes nuisibles, serpents, scorpions, araignées venimeuses, ou autres. D'accord ? Les animaux qui peuvent te nuire. Et comme l'expliquait ici, c'est vrai que t'as pas de grande probabilité de trouver un serpent à Paris, chez toi, ou un scorpion, mais il y a d'autres animaux qui peuvent tenir. Exemple, quel animal? Un chien? La souris, généralement, elle te fait peur, mais elle te fait rien. C'est vrai, tu le vois courir, tu vois les radeaux, ils courent devant toi, mais généralement, le rat, il va pas te faire grand-chose. Alors qu'un serpent, il peut être, tu vois, c'est te mord. Un scorpion, ouais, un mahara. Bon, tu me dis, il y a des rats, ils peuvent te mordre. Mais bon, voilà, quoi. Mais par exemple, tu as plus de chances de te faire mordre par un chien que par un rat dans les rues de Paris. D'accord? C'est fréquent, d'ailleurs. Et autres. Wakala, Aïn Lam. Là, c'est les mauvais oeils. Car le mauvais oeil existe. D'accord? Ce mauvais oeil, il existe. Et pour s'en protéger, c'est le askar, le zikr que l'on fait. De façon générale, tout au long de la journée, et principalement ceux du matin, askar al-sabah, et ceux de fin de journée, askar al-masa. C'est pour ça que vous dites, c'est très important d'apprendre ces choses-là, car elles protègent de bien des maux qu'on ne voit pas et qu'on ne réalise pas. Et c'est des actes faciles à faire. C'est des choses faciles à faire. Prendre un zikr, tu prends ton petit livret, tu apprends tes askar, tu en apprends un par jour, ainsi de suite. Et voilà, quand une semaine, mashallah, t'as une forteresse. Yukal Hisn al-Muslim, d'ailleurs. C'est un livre où il y a les askar qui s'appelle Hisn al-Muslim, c'est la forteresse des musulmans. Et t'en as plein des kutub dans les askar. Parmi certains qui sont authentiques, d'autres qui ne le sont pas, prends les plus authentiques. D'accord ? Et plus tu en auras, et plus tu auras, c'est comme si tu avais un mur épais de ta forteresse qui te protège. Plus tu fais de askar avec le cœur qui y est, et plus tu as de protection. Et c'est des actes qui sont faciles à faire. Mais ils sont trop négligés. C'est trop pris à la légère. Les gens prennent trop à la légère ce genre de choses. Et ça vient dans le kitab par la suite, les askar à d'autres moments, après les salawat, avant de manger, et ainsi de suite. À différentes occasions dans la journée, dans notre vie, on a des askar à faire. C'est pour nous protéger, et en même temps, c'est un rappel d'Allah Azza wa Jal. Et c'est une ibadah, on prend des récompenses. Yaqul al-Sharh al-Ijmali. Donc maintenant, l'explication générale. Kana al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam يحسن أولاد ابنته الحسن والحسين من العين والشياطين والحشرات المؤذية لما أو لما فيها من الضرر ويحرزهم بهذه التعويذة التي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما السلام ويتعوذ بكلمات الله وكلام الله بغير المخلوق ولهذا وصفها بالتام وعدم النقص. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'invoquer pour ses petits-enfants, les enfants de Fatima, de rechercher protection pour eux par les paroles d'Allah azza wa jal contre le mal des shayatines, des insectes ou autres animaux venimeux et autres. D'accord ? Et c'est une chose également que faisait Ibrahim alayhi salam avec ses fils Ismaïl et Ishaq. Qui est le premier des deux ? Ismaïl, Ahsante. N'en déplaise au Yahoud. Le premier des deux fils d'Ibrahim, c'est Ismaïl. C'est pas Ishaq. Et c'est lui le Zabih. Celui que Allah, Ibrahim a reçu l'ordre d'égorger, c'était Ismaïl et pas Ishaq. Parce que les Yahoud veulent se l'approprier. D'accord ? Parce qu'ils savent qu'Ismaïl, c'est lui qui a la descendance des Arabes. Et entre autres, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. يقول وطريقة ذلك أن يدعو لهم أو يقرأ هذا الذكر وينفث في كفيه ويمسح على الطفل. Donc il a dit comment on fait pour faire agir de la sorte. Tu invoques tout simplement pour eux, d'accord. وَعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّةً ainsi de suite. Ou alors tu peux le faire en lisant, en crachotant sur tes mains et en essuyant l'enfant. D'accord. Tu l'essuies l'enfant. C'est une ruqya. Les gens pensent que le ruqya c'est forcément les sourates al-Baqara, les longues sourates. Non. Les ruqya ça peut être avec des askar seulement. Et sourate al-Nas, al-Falaq, al-Fatiha, yakfi. D'accord ? Si la personne a un tawakkul qui est fort, un iman qui est fort, et un espoir en Allah qui est fort, ça lui suffit. C'est pas la peine de ramener un ruqya du Maroc ou d'Algérie ou je ne sais où, l'accueillir à une limousine tapis rouge pour qu'il fasse le ruqya, il n'y a pas que plein d'argent et toi t'es encore malade. Ou alors t'es guéri, tu crois qu'il a des pouvoirs, cet homme-là. Là, t'es encore plus malade. Parce qu'avant, tu étais malade d'un mince, là, t'es peut-être malade d'un shirk. Ce qui est pire encore. Donc, les choses liées à la ruqya, faut pas les exagérer. À la base, c'est un remède. On a des asbeb, on sait comment le faire. Et le cœur doit s'accrocher à Allah, pas aux créatures. Maintenant, c'est permis de demander à quelqu'un qui fasse Rokia, qui est expérimenté, qui sait quoi lire, qui sait comment se comporter, ainsi de suite. Parce que t'en as, ils font... C'est du cinéma, c'est des mises en scène. D'accord ? Et ainsi de suite, pour que ça se passe bien, et surtout un Raqi qui te rappelle cela. Quand il fait Rokia, il te rappelle. Il dit, moi, je ne fais rien. Je lis le Coran, parce que toi, tu connais pas bien le Coran, tu prononces mal peut-être, mais en réalité, c'est Allah qui guérit. Ce n'est pas moi qui guérit. Et ainsi de suite. Et surtout, c'est pas... un businessman qui vient pour prendre ton argent. Après, il te vend un tas de produits. Tiens, j'ai tel produit, si tu veux, prends ça, ça, ça, ça, ça. Une eau dans laquelle il a récité, il la vend 100 euros la bouteille. Masalène. Ça, c'est abus de confiance. C'est tellement dans le désespoir face à sa maladie que, voilà, quoi, les gens, quand ils sont malades, ils sont prêts à dépenser tout leur argent pour se faire guérir. Donc demain, tu lui dis, t'as un mess, t'as un sihr. T'as un djinn, il va dire, ouais, t'as quatre djinns en toi, t'as un tel, t'as un tel, t'as un tel. Il te fait trop peur, il dit, ouais, et si tu bois ça, c'est une cause de guérison. 100 euros la bouteille. Bouteille de cristalline, elle fait un tiha dedans et il te la vend 100 euros. Tu vois. Par exemple, entre autres. Yaqul, fawaid al-hadith. Mashlu'iyati ta'wiz awlad bihazi al-ta'wiza al-mubaraka. Donc il est légiféré de chercher la protection pour les enfants par ces paroles-là, par ces zikr. Thaniyan, ana kalam Allah ghayr makhluq liannahu la yasta'iz, alors ça c'est la yasta'az bi makhluq, ce qui prouve que la parole d'Allah n'est pas créée, car la parole d'Allah c'est un de ses attributs, car on ne peut chercher protection dans ce genre de situation par une créature. ثالثا ان هذه التعويذه تدفع ou تدفع بها العين قبل وقوعها. Donc en fait, cette demande de protection, c'est comme une forme de vaccin. À la base, tu le fais avant que ça n'arrive. D'accord ? Tu le fais avant que ça n'arrive. C'est-à-dire le but c'est de quoi ? C'est d'empêcher que cela arrive et non pas de faire en sorte que cela parte. D'accord ? D'empêcher que l'enfant soit atteint par les shayatines, qu'il soit atteint du mauvais œil, ou qu'il soit atteint par des créatures nuisibles. C'est avant que tu le fais. Rabi'an thubut ta'athir al-a'in fi man tusibuhu. Ce qui prouve que le mauvais œil a un impact sur la personne qu'on est atteinte. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Il faut y croire. Et cela ne t'arrive que parce qu'Allah Azzawajal l'a permis que ça t'arrive. Et après, il y a différentes sagesses derrière. Peut-être pour t'inciter à aller plus de l'avant, te réveiller, faire plus d'adoration. Allah Azzawajal voit que tu es loin de lui et que la seule chose qui va te rapprocher de lui, c'est de l'adorer. Et que pour cela, il te faut une pression pour que tu l'adores, donc une maladie, un aïn. Et pour t'en guérir, plus de Qur'an, plus de salawat, moins de péché, ainsi de suite. Et t'en sors guéri, et Inch'Allah, t'en sors meilleur, religieusement parlant. D'accord ? Parce qu'après, c'est pas une fois que tu es guéri, tu retournes en arrière. Tu remercies Allah de t'avoir guéri, et le remerciement, c'est de continuer de perdurer là-dessus. Et normalement, en théorie, ça te fait du bien. D'accord ? Celui qui fait plus d'adoration, il se sent mieux dans son cœur. Donc, ce serait bête, après avoir ce sentiment de bien-être, de retourner en arrière. Tu dis, j'ai senti ce sentiment-là, je veux le garder, le conserver, donc je continue sur la lancée. Bismillah ta'ala. خامساً أن هذه الاستعاذة سبب للوقاية من الضرر الموجود في هذه الجهات الثلاث الشياطين والهوام وعين اللينس. Donc cette istiaza, c'est une cause de protection contre le mal présent dans ces trois choses, les shayatin, les créatures nuisibles et le mauvais œil porté par l'être humain. Non. Donc ça, c'est un enseignement qu'on a du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour nos enfants. Et sachez une chose, cela est ce qui est de plus important pour eux, puisque ce que les gens aujourd'hui ont mis devant l'enfant comme son cursus scolaire et je ne sais quoi. Ça, c'est plus important encore. D'accord ? Faire cela pour ton enfant est meilleur que tout le reste. Car depuis petit, tu lui apprends à se remettre à Allah azawajal. Dans tout ce qui entreprend dans l'avenir. T'as des gens, mais ils ont fait un cursus scolaire à l'école. Et au final, ils n'en ont pas tiré grand profit, tu vois. Et t'en as d'autres, ils n'ont pas fait grand chose, mais ils sont revenus vers l'Azawajal, alors les élever. Ils leur ont accordé de ses grâces. Et de toute façon, au final, quoi qu'il en soit, c'est quoi la finalité de tout ça ? c'est le Jannah. Donc voilà quoi. C'est pas, comme on l'a expliqué la dernière fois, c'est pas ton diplôme ou ta formation qui va te faire entrer au Jannah. Sûrement pas. C'est toi, c'est ta religion. Et cette religion, elle commence à être inculquée à l'enfant depuis l'enfance. Et lui rappeler qu'il faut qu'il meure dessus, c'est toute sa vie. C'est pas jusqu'à 16 ans, après une fois que t'as 16 ans, c'est bon, c'est fini. Comme à l'école, 17 ans, c'est fini. T'as ton niveau, c'est fini. Non. C'est jusqu'à la mort. Et en toute situation. Comme à quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et haythu ma kunt, crée Allah où que tu sois. Et en toute situation. Et que dans le Coran, Allah a dit, Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah comme ça doit et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Ou abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur, ça, c'est ce que te vienne la mort. Donc la religion, c'est à vie. En toute situation et à tout moment. Taïe. Donc maintenant, on va prendre le cinquième hadith de ce bab et qui est le 45e de ce livre et qui est cette fois-ci al-zikr inda dukhul al-manzil. C'est le dua à faire, le zikr à faire en entrant dans la maison quand tu rentres chez toi. An Jabir رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم. Donc maintenant, c'est le doa à faire quand on rentre chez soi. On est dehors, maintenant on rentre. C'est un hadith rapporté par Jabir. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lorsque l'homme rentre chez lui et qu'il évoque Allah azawajal en rentrant chez lui, et cette évocation, c'est de dire Bismillah. C'est de dire Bismillah quand tu rentres chez toi. Alors, celui qui fait cela, Shaitan dira, c'est-à-dire à ses acolytes, nul refuge cette nuit pour vous, c'est-à-dire dans cette demeure, dans cette maison-là. Et ni acha, pas de dîner, parce qu'il a dit Bismillah. Donc tu as fermé la porte. Ou il dakhala falam yadhkurillah 'inda dukhulihi, qala ash-shaytan adraktum al-mabit, wa lam yadhkurillah 'inda ta'amihi, qala adraktum al-mabit wa al-'asha. Et si jamais la personne rentre chez elle sans citer le nom d'Allah Azawajal, d'accord? Et ni lors de son repas, alors le shaitan, il dira, vous avez ce soir l'hospitalité, c'est-à-dire le refuge dans cette maison, vous avez le dîner. Donc on y voit que pour empêcher le shaitan de rentrer chez toi, c'est le dire, Bismillah. Et l'empêcher de manger avec toi, c'est le dire, Bismillah. D'accord. T'imagines, pourquoi on ferme nos portes à double tour? Pourquoi on a des portes blindées? Pourquoi on a un interphone? Pourquoi il y a un code? C'est quoi le but? Ah, voilà. Pour pas que les gens y rentrent. Et parmi ces gens-là, t'as des gens qui sont bien, ils sont gentils. C'est pas tout le monde qui rentre qui est mauvais. Mais de façon générale, tu dis, je veux pas qu'il y ait un inconnu qui rentre chez moi. Là, t'as ton pire ennemi là, qui peut rentrer chez toi, là, avec toi. Là. C'est pas avec l'interphone que tu vas le bloquer. C'est pas avec la porte blindée que tu vas le bloquer. C'est pas avec le Judas que tu vas voir qui est derrière la porte. C'est en évoquant le nom d'Allah Azawajal que tu vas l'empêcher d'entrer chez toi. Et c'est en évoquant le nom d'Allah Azawajal quand tu vas manger, que tu vas l'empêcher de se nourrir. Parce que là, en faisant ça, tu nourris ton pire ennemi. C'est-à-dire, tu le nourris pour qu'il te nuise. Tu le rends chez toi pour qu'il te nuise. Pourquoi? Parce que tu n'as pas évoqué le nom d'Allah Azawajal en rentrant chez toi ni avant de manger. Et c'est très simple à faire. Tu rentres, tu dis Bismillah. Et avant de manger, c'est simple, tu dis Bismillah. Tout simplement. Et ça accroche ton cœur à Allah Azawajal en toute situation. Donc là dans le hadith, il dit « Izedakhala arajulu » quand l'homme rentre chez lui. Là c'est « Bab al-Taghrib ». Il dit l'homme, ça va là pour tout le monde, même pour la femme. D'accord? La femme aussi quand elle rentre chez elle. Tout ça c'est pareil pour la femme. Il n'y a pas de différence. Le terme est venu pour homme, pour généraliser. Mais la femme est concernée par ce jugement-là. Et même ton enfant, depuis petit, tu lui apprends à faire cela. Tu lui apprends à dire Bismillah quand il rentre chez lui, comme ça il s'y habitue. Et après, plus tard, ça devient un automatisme. D'accord? Ça devient automatique. Donc au moment où tu manges, tu dis Bismillah Et tu manges à quelle main ? La droite. Pourquoi ? Parce que sinon, on mange avec le chétan. Non. Tu manges avec lui, si tu dis pas bismillah. Mais si jamais tu manges de la main gauche, c'est quoi la cause de notre addiction ? Là, parce que la main gauche, c'est fait pour les... pour faire... nettoyer tout ce qui était... tout ce qui est... voilà, qui est pas propre. Quoi. Ça, c'est une raison, mais la raison précise de ce moment-là, non, c'est pas ça. C'est entre vous deux, là. La réponse est l'intermédiaire. Lui, il est parti à droite, parti à gauche. Nous, on veut le milieu. Hein ? Oui, mais pourquoi ? Il a cité la raison. On a la cause. On sait pourquoi. Tu sais pourquoi ? Mange pas de la main gauche. Je sais pas, t'as un truc qui est sale, tout ça, avec la main gauche. Non, t'as dit comme lui, c'est pas ça la raison. Tu peux peut-être laver la main avant de manger. T'as lavé ta main avant de manger. Mais c'est à l'intérieur, ta main est propre. Mais après tout, tu manges pas avec la main gauche. Ni tu ne bois, ni tu ne manges avec la main gauche. Quelle raison ? C'est facile, hein, les frères, Allah. Quand on doit se laver les parties intimes, c'est la main gauche. Oui, entre autres. Mais c'est pas ça la raison qui t'empêche de manger. Non. Si tu laves ta main. La main, tu la laves. Donc c'est bon, ta main, elle est propre. La façon dont Shaitan mange. Exactement. Parce que Shaitan le mange de la main gauche. Faut pas lui ressembler. D'accord ? C'est pour ne pas lui ressembler. Un homme a mangé une fois de la main gauche. Le Nabi, sa femme lui a dit, mange de la main droite. Il a dit, Mastata, je ne peux pas. Par orgueil, il pouvait, hein, mais juste parce qu'il est... voilà. Il a dit « Mastatart », que tu ne puisses plus. Et depuis ce jour-là, il n'a plus été en mesure de lever sa main droite. Il a dit « Nabi Salam, la takulu bishimel fina shaitan yakul bishimel. » Ne mangez pas par la main gauche parce que shaitan mange de la main gauche. Et ressembler à shaitan, même au koufar, c'est interdit. T'as donc, manger de la main gauche, ça ne nourrit pas. Mais tu le ressembles. Tu aimerais ressembler à un shaitan ? Non. Ah ben, mangez de la main droite alors. Voilà. Il y a d'autres situations, il ne faut pas leur ressembler, mais celle-ci, c'est l'une d'entre elles. Le comportement du musulman, c'est de manger de la main droite. De boire de la main droite. Et maintenant, des gens pourraient avoir... les gens, on va dire, sont cartésiens, dire, mais attends, d'accord, j'ai dit bismillah. Si j'ai dit bismillah, on ne va pas chez moi, shaitan. D'accord ? Donc c'est pourquoi je vais dire bismillah pour avant de manger s'il n'est pas rentré chez moi. Il n'est pas rentré, donc c'est bon, j'ai obligé de dire bismillah, il n'est pas rentré chez moi. Qu'est-ce qu'il y a une réponse ? Celui qui a une réponse, il est trop fort, Allah Mabarak. Celui qui a une réponse, c'est incroyable. Je sais pas. C'est comme si tu renverses un tas, c'est un sandal que tu manges. Oui. Oui, mais t'as pas répondu à la question. Non, c'est pour le rabaisser. C'est pour rabaisser Shaitan. T'as pas répondu à la question. Je répète la question. Tu rentres chez toi, tu dis bismillah. Donc c'est quoi le but de dire bismillah ? Tu vas chercher la protection. Que Shaitan ne rentre pas chez toi. Ça ? T'as, s'il est pas entré chez toi, comment peux-tu manger avec toi ? Donc, où l'intérêt de dire bismillah une deuxième fois avant de manger, si avant de rentrer, tu l'as dit qu'il n'est pas rentré ? Tu vas dire, c'est bon, il n'est pas rentré, donc j'ai pas besoin de dire bismillah avant de manger. Il n'est pas là. Il va s'inviter pour manger, il va qu'à Allah. Hein ? Il va qu'à Allah quand même. Oui, je sais. Mais la cause, là, il a dit la hacha lakum. C'est dans la nourriture. Hein ? Dans la nourriture. De quoi dans la nourriture ? Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est lié à ça, Je sais pas, c'est quoi ? Je pense que c'est pas dans la nourriture. Chez toi ? Dans la nourriture ? Mais il t'as dit bismillah pour pas qu'il rentre. Oui ou non ? Ouais. Taïeb. Donc là, il est pas là, oui, il est pas là. Ouais. Il dit bismillah. Voilà. Quelqu'un peut venir te bloquer avec ça ? T'as dit bismillah avant de rentrer ? Oui. Pourquoi tu dis bismillah maintenant ? C'est bon, il est pas là, Shaitan. Comment tu réponds à ça ? De base, ouais, Hassan. Il y a toujours un shaitan avec toi. Ça veut dire celui qui ne rentre pas, c'est certain qui ne rentre pas. Mais ça peut dire qu'il n'y a aucun shaitan qui rentre chez toi. C'est comme les images. Les images, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'être le malaïka, Beitan, Fia, Kalb, la sourate, que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou une image figurée. Tout ce qui est photos, dessins, la télé, tout ce qui s'ensuit. D'accord ? Est-ce que maintenant ça veut dire que il n'y a aucun ange chez toi ? Non. Non, c'est certain, c'est les anges de la Rahma qui rentrent pas chez toi. Et bien sans quoi, tu as toujours un ange avec toi qui te suit. Ceux qui écrivent tes actes, c'est qui ? Des anges. Ils sont tout le temps avec toi, quoi que tu fasses. D'accord ? Donc lui, ça ne l'empêche pas de rentrer. Ce hadith-là concerne des anges en particulier, qui sont des anges qui apportent un rahma dans ta maison. Tu as besoin de ces anges-là. Et bien toi, avec ces images-là, où le chien, tu les fais fuir. Il ne rentre pas chez toi. Donc attends pas à avoir une maison où il se passe beaucoup de bien. D'accord ? Et bien les shayatines, kazalik, qui ne mangent pas, c'est une raison. Sinon, en réalité, hein, c'est pas ça que la réponse que j'attendais. Mais ça, c'en est une. Que tu as tout le temps chétan avec toi. D'accord ? L'autre raison, c'est quoi ? L'autre réponse, c'est quoi ? C'est Allah A'lam. Il y a des choses qui sont liées aux choses de l'invisible, on n'a pas de réponse. Et que des fois, Allah Zawajel, dans sa religion, met des choses comme ça pour tester qui va croire et qui va vouloir un 1 plus 1 égale 2. Et là, je vais le cartésien. Non, si j'ai pas une réponse logique, j'accepte pas. On dit dans la religion, il y a plein de points comme ça où la raison, elle rentre pas. Tu as un hadith qui est authentique, tu as un verset qui est authentique, là, c'est réglé. Un exemple de cela qu'on cite souvent. Oui, il y a ça, mais j'allais trouver quelque chose de plus flagrant. Masalen, que il y a des choses que Allah Zawajel peut faire, que tu ne vois pas, que tu n'entends pas, et pourtant voilà. Masalen, Ya'juj et Ma'juj. Qu'on appelle Gog et Magog. D'accord ? Ils sont sur Terre ou pas ? Ils sont combien ? Ils sont très nombreux. Ils sont où ? Il y en a, ils disent quoi ? Qui dit quoi ? Non, mais je te dis, ils sont où ? Ils sont derrière un mur. On n'est pas censé avoir des satellites ? Ils sont normaux. On n'est pas censé avoir des appareils qui font des sondes sous-terrestres ? On n'est pas censé aller dans les abysses océaniques ? Ils sont où ? On ne sait pas. Ils sont là pourtant. Ils sont de plus en plus nombreux. Parce qu'ils se reproduisent. Sinon, depuis le temps, ils seraient exterminés, il n'y aurait plus personne. Depuis avant le Nabi, ils sont là. Depuis l'époque de Zulkarnayn. Je ne sais pas c'était quand. Donc c'était il y a longtemps. Alors qu'ils sont encore là, donc ils se reproduisent. Et ils vont sortir à la fin des temps et ils vont tout raser sur leur chemin. À tel point qu'il y a un endroit, il y a un lac, ils vont boire, il n'y aura plus rien. Tu vois ? C'est ? J'ai oublié le nom du lac. Ouais, en tout cas, tout ça pour dire. Et il a dit le Nabi, par rapport au Sahaba. Pour un d'entre vous, sahaba, il y en a 1000 de eux. Pour un sahabi, il y a 1000 hommes de Ya'juj et Ma'juj. Les sahaba, ils étaient des centaines de milliers. Donc imagine-toi. Et c'était à son époque. Hein. Donc combien ils sont aujourd'hui ? Et pourtant, est-ce qu'on les a vus quelque part ? De quoi ils se nourrissent ? Ce sont des êtres humains. Hein. C'est pas des djinns. Hein. Ils mangent ? Oui ou non ? Ils s'habillent, ils ont les choses des êtres humains. Comment ils font tout ça ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? Quels animaux ils mangent ? Où est-ce qu'ils vivent ? Tu vois ? On ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis ça pour fermer les portes à certaines questions. Dans la religion, on est là pour croire. Même ce qu'on ne voit pas et même ce qu'on ne conçoit pas. Si on a un verset qui est clair, qu'on a un hadith qui est clair et qu'on n'a pas un autre hadith qui l'explique ou quoi, sami'na wa ata'na. On a entendu, nous avons obéi. Ça y est. Donc, les choses de l'invisible, on évite d'entrer la tête dedans parce qu'on va se perdre. Ça nous dépasse. On fait ce qu'on a dit de faire. Avant de manger, tu dis bismillah. Que tu l'aies dit avant de rentrer chez toi ou pas. Avant de manger, tu dis bismillah. Non. Tayyib. Donc on va prendre les fawaïd du hadith. Non, j'ai perdu la page. Excusez-moi, la page elle est où ? Taï. Mashru'iyat zikrillah inda dukhul al-bayt yaqul bismillah. Donc il est qu'il soit légiféré lorsqu'on entre à la maison de dire bismillah. C'est aussi simple que ça, bismillah. Thaniyan an al-bayt alladhi la yatahassan ahluhu bi zikrillah ta'wilihi shayatin, qu'une maison qui ne se protège pas de la rentrée de Shaitan par le fait de dire Bismillah s'expose à des problèmes. Vous voyez tous ces gens-là que les gens ils adulent, qu'ils envient dans les réseaux, quoi. Parmi les koufars ou les. Voilà. Est-ce que vous savez ce qui se passe chez eux, dans leur foyer? Tu le vois dans une Lamborghini, tu le vois au bord d'une piscine, tu le vois dans un jet, tu le vois. Mais dans sa maison, là, quand il est seul, quand il ferme son téléphone, là. Il y a quelqu'un avec lui pour voir comment il vit? Il y a quelqu'un dans son cœur pour voir qu'est-ce qu'il ressent derrière ce sourire qui te montre? Quelqu'un? Il n'y a personne, il n'y a que leur argent qui sait. Mais nous, avec les adilets qu'on a, on sait que ces gens-là, ils ne sont pas heureux. Donc il ne faut pas les envier. Il n'y a pas lieu de les envier, ces gens-là. Ils ont la pire des vies. Ils n'ont pas de foi. Et ceux qui sont des croyants pareils mieux, parce qu'il y en a, c'est des musulmans, la foi, elle est faible à cause des marasses qu'ils font. Donc n'envie pas ces gens-là. T'as rien à leur vie. Leur Lamborghini ne va pas les rentrer au paradis. Leur piscine ne va pas les rentrer au paradis. Au contraire, ils font des péchés pour obtenir cela en général. Tu vois? Tu les vois adulés par des gens et qu'Allah Azazel ne les aime pas. Comment tu peux aimer quelqu'un qu'Allah n'aime pas? C'est pas possible en tant que croyant. Tu ne peux aimer que celui qu'Allah il aime et tu dois détester celui qu'Allah il déteste. Et Allah n'aime que les gens qui l'obéissent et qui croient en lui. Et plus tu obéis à Allah Azazel, plus Allah il va t'aimer. Et moins tu veux l'obéir, moins il va t'aimer. Et bien toi, avec les gens, tu dois gérer pareil. Donc tous ces gens-là que tu vois qu'on te met devant toi, là, hein, comme référence, qui qu'ils soient, c'est pas des gens aimés. Et c'est pas des gens qui vont t'aider à t'approcher d'Allah Azawajal. Là, c'est pas eux. Si tu veux des gens qui vont t'aider à t'approcher, c'est des gens qui t'y appellent concrètement. Entre autres, les savants et les gens affiliés à la science et à la droiture, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est des gens, aujourd'hui, les gens, ils les trouvent lourds, ils sont rabat-joie, des troubles fêtes, ou quoi, ou quoi. Mais on n'est pas là pour faire la fête. Je n'ai pas créé les... Dans le Coran, elle l'a bien dit, qu'il nous a créé pourquoi? Pour qu'on l'adore. Pas pour faire la fête. Les gens qui font la fête, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent oublier. Alors que nous, on doit se rappeler. C'est le contraire. On doit se rappeler ça. Pourquoi on fait tous ces askars? C'est pour se rappeler. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est oublier. Les gens, pourquoi ils boivent de l'alcool? Parce que c'est un bon goût? Non. Parce que ça fait perdre la raison. Et même te disent, quand j'ai bu, je me lâche. C'est-à-dire, j'ai plus de retenue. Alors que nous, l'islam t'appelle à avoir quoi? De la retenue. Ne fais pas ce que tu veux, justement. Pas dans tous les sens. Pourquoi les gens, ils se droguent? C'est pour les mêmes raisons. Pour oublier, pour se lâcher. Pour planer, c'est-à-dire sortir de la réalité. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais, le monde d'Allah, je vais en sortir un temps, voire oublier. Mais quand il revient, c'est chaud. Tu vois? Le réveil, il est dur. La réalité, elle est dure. Et la plus dure des réalités, c'est laquelle? Lorsque la mort, elle vient. Et que les deux anges y viennent. Et dans ta tombe, ils t'interrogent. Là, c'est la vraie redescente, là. Et ceux, justement, qui sont rappelés dans ce bas monde avant que ce moment ne vienne, eux, ils seront heureux. Vous savez, les koufars, entre autres, ils te diront même pas « Je veux rentrer au paradis. » Quand ils seront jugés et qu'ils sauront quelle est leur destination. Ils te diront pas « Je veux rentrer au paradis. » Ils diront « Yale itani kuntuturaba. » Prouve de moi que je n'ai été de la poussière. C'est-à-dire, c'est même pas le paradis que je veux, si je veux pas aller en enfer. J'aurais préféré ne même pas exister. Parce que quelqu'un pourrait dire « Je veux le paradis. » Il veut même pas, tellement il sait c'est quoi qu'il attend après. Il dit « C'est même pas le paradis que je veux. C'est je ne veux même plus exister. » C'est-à-dire, j'aurais préféré être un chien. Tu vois. Être un chien, être un pigeon, être un ver, être un escargot, être un animal ou une créature qui ne sera pas jugée et qui n'ira pas en enfer. D'accord? Ça veut dire que même ces choses-là que tu vois là dans la rue, là, un excrément de chien aura moins un perdre qu'un kafir le Melkiyam. Parce que l'excrément de chien va disparaître, il n'y a rien. Alors que le kafir, il va aller en enfer, éternellement. Donc il a dit, donc, comme dans le Coran, Ya leitani kuntu turaba. Pauvre de moi que je n'ai été de la terre, de la poussière. Parce que c'est ce qui l'attend. Et là, c'est le feu éternel. Et même ça, pareil, quand on parle de feu éternel, quand on médite, on a du mal à concevoir éternel. Parce que c'est une chose que dans notre esprit, ça ne rentre pas éternel. Mais on sait ça veut dire quoi éternel? On y croit. On y croit. Comme le Jannah, le plaisir éternel. On y croit. Est-ce qu'on peut le concevoir? On ne peut pas le concevoir. Mais on sait ce que ça veut dire. Et on doit y croire, et on doit œuvrer pour cela, pour entrer au Jannah. Une entrée éternelle, et éviter de rentrer au feu. Même une entrée temporaire. Ne pas entrer au feu du tout. Et encore pire, une entrée éternelle. Comme c'est le cas des Kuffar. والعياذ بالله. يقول ما شروعيتي ذكر الله عند الطعام؟ يقول أنا الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. Que الشيطان peut se permettre de manger de ta nourriture à quel moment si tu ne cites pas le nom d'Allah Azza wa Jal. Il mange avec toi. يقول أن التسمية طاردة للشيطان منعة له من دخول المنزل ومن المشاركة في الطعام والشراب. Et que le fait de nommer Allah Azzawajal, cela ça expulse Shaitan. Il ne rentre pas chez toi et ne mange pas avec toi. Quand tu l'as, voilà. Avec un simple zikr, il n'y a pas de choses à faire. Hein. Ça ne demande pas d'être quelqu'un de physiquement. Il n'y a pas de combat physique. C'est un zikr. C'est un zikr. Parce que lorsque Shaitan rentre chez toi, crois-moi bien que ta maison. Ça devient, on peut dire le terme sur terre, ça devient infernal chez toi. Que des problèmes dans ta maison. Peut-être même tu ne veux même pas rentrer chez toi. Et t'as beau avoir la maison la plus luxueuse qui soit. Hein. Quand le shaitan est chez toi, mon frère, tu vis une vie infernale sur terre. T'as beau avoir toutes les richesses, avoir la santé, ce que tu veux, t'as pas la foi, t'as pas la sincérité, t'as pas la rahmat d'Allah Azzawajal, ta vie elle est horrible. Elle est horrible. Et les gens là, compensent cette horreur par les biens mondains. Mais en réalité, comme on le dit souvent, c'est de mettre un pansement sur une plaie ensanglantée. Le pansement ne guérit pas. Il fait que quoi ? Absorber le sang écoule, il absorbe jusqu'au jour où ça tient plus, le pansement il tombe et là, le sang écoule. C'est tout. Alors qu'à la base, il faut faire quoi ? Cautériser, désinfecter, et ainsi de suite. Et bien, mettre un pansement sur une plaie ensanglantée, ça ne sert à rien. Comme disaient certains, j'avais un ami à moi qui disait la phrase, je ne sais pas si c'est pas pris d'un philosophe ou quoi, c'est mettre du parfum sur ta crasse. T'enlèves pas la crasse. Quelqu'un qui se lave pas, il se parfume. Tu peux te parfumer toute ta vie, hein. T'es sale. Et un jour, l'odeur va sortir. Et tout de même que l'odeur de ta crasse avec le parfum, ça va être une odeur encore pire encore. Tu vois, encore plus nauséabonde. Donc ces gens-là, ils se mentent à eux-mêmes. Et nous, on ne doit pas se faire avoir par leurs mensonges. On doit rester éveillé et ne pas se faire avoir par leurs mensonges. Car Allah Azzawajal t'a élevé par l'islam, par la croyance, ne te rabaisse pas au niveau de ces gens-là. Et là, on va finir par du'a dukhul al-masjid wal-khuruj minhu. Donc maintenant, c'est l'invocation pour rentrer au masjid et l'invocation que l'on fait en sortant du masjid. Car nous, les hommes, nous sommes amenés à nous rendre au masjid. D'accord ? À la base, c'est si ce masjid est à proximité de chez nous, d'une distance accessible, c'est 5 fois par jour, pour chaque salawat. Donc on rentre, on sort. On rentre, on sort. On rentre, on sort. Et même cette entrée au masjid, elle a un zikr, et en sortir, il y a un zikr. Donc là, c'est le 46e hadith de ce kitab, et le 6e de ce chapitre. Vous savez quoi, c'était ce zikr-là, on va regarder pour faire ce qu'il est lié à la salat. Parce qu'après, c'est les afkar, après les salawat. Donc vous pouvez les mettre ensemble. Ce sera plus approprié, Inch'Allah. Ouais. On va s'arrêter là. Inch'Allah, on va se contenter de ce qu'on a cru aujourd'hui. Naktafi bihada al-qadr. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.